chair, plus encore, plus de ma vie, que c'est parti, dans cette société, c'est impossible. Pour vivre que tu les aimes, ils te montrent leur politique, ils te montrent comment péter, et mourir en dignité. Ne me regarde pas, je ne cherche pas à le savoir. Je suis libre de penser et personne ne m'en empêche. Unissons-nous.